Page 245. Exercice 4. 1. Mes grands-parents ne se révoltent jamais quand il arrive un malheur. 2. Hélas, cette jeune fille brillante est morte prématurément pendant la guerre. 3. Félix, comme son père, est en train de devenir un grand musicien. 4. Ludivine a toujours de la chance, quoi qu'elle entreprenne. 5. Ça tombe vraiment bien que cette maison ait été à vendre juste au moment où nous en cherchions une.